Donc je vous présente les différents principes. Ceux qui avaient encore des questions à la pause, qui ne sont pas venus à la pause, je vais rester un peu à la fin pour vous y répondre. D'accord ? Comment construire un questionnaire ou un entretien ? Pardon ? Comment construire un entretien ou un questionnaire ? Vous avez dit les deux termes. Samedi ? Non, là maintenant. Là, aujourd'hui, c'est le questionnaire qu'on voit maintenant, mais le rapport du parcours, c'est l'entretien. J'ai dit entretien, la fin du questionnaire ? Ok. Donc non. Là, c'est vraiment, on passe. Alors, au questionnaire qui est très différent de l'entretien. Vous avez deux références classiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour construire un questionnaire, et si vous faites appel notamment à un questionnaire dans le cadre de votre recherche de mémoire, et qui sont aussi des références qui servent de base à ce que vous verrez de façon plus détaillée samedi. Samedi, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est vraiment des exercices de type pratique pour que vous réalisiez en fait les différentes étapes qui font qu'on va poser telle question plutôt que telle autre, on la pose de telle façon, etc., etc. Les étapes d'un questionnaire, elles sont décrites ici. En fait, dans le cadre du cours, ce sur quoi on va s'arrêter pour jusqu'à samedi, c'est ici sur la préparation vraiment du questionnaire en tant que tel. Donc, quels sont les objectifs, ça veut dire, en fonction des hypothèses de recherche que vous avez, qu'est-ce que vous voulez vérifier et quel type de questions vous allez poser. On va voir rapidement quelles sont les variables indicateurs. Quand on parle de questionnaire, on parle d'échantillons, contrairement à l'entretien. Il y a dans l'entretien, on va passer ça plus en détail, c'est un peu le temps que je vous présente. Il y a dans l'entretien une importance spécifique de l'ordre des questions. Ce n'est pas le cas quand on fait j'ai emporté entretien. Il y a dans le questionnaire, quand je vois le mot, une importance prépondérante de l'ordre des questions, donc de la progression en fait avec laquelle on va poser des questions aux interviewés. Alors que dans l'entretien, si vous rappelez bien, donc c'est un outil souple dans lequel on va avoir des idées de thèmes, certaines questions clés qu'on peut ajuster en fait, qu'on va adapter à la réaction de l'interviewé, etc. Donc le questionnaire, c'est un outil qui est beaucoup plus rigide, qui est vraiment préformaté et qu'on administre, c'est-à-dire que l'on adresse et que l'on fait remplir de façon systématique et standardisée à nos répondants. Une des choses que vous allez voir aussi samedi, et que vous devez retenir, c'est l'importance dans la construction d'un questionnaire de ce qu'on appelle un pré-test. C'est-à-dire que, avant d'aller voir toute la population d'un quartier, etc., avec son questionnaire, on va pré-tester auprès de 4, 5, 10 personnes les questions qu'on a préparées pour voir si ça semble logique, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, etc., etc. Donc, ce que vous allez faire samedi, c'est justement de faire ces différentes étapes-là jusqu'à la finalisation des questions. C'est-à-dire, donc, par rapport à des objectifs de recherche, comment on prépare un questionnaire spécifique. Mais il y a aussi d'autres questions à se poser, sur lesquelles on va revenir vite fait ce soir, qui sont les modes d'administration du questionnaire. Et les deux dernières étapes ici, sont en fait en gros l'exploitation des données qu'on obtient, donc de toutes les réponses que l'on a obtenues au questionnaire, le codage des résultats et l'analyse des résultats, qui est en fait la partie analyse statistique. Cette partie-là, statistique, elle sera présentée la semaine prochaine par Frontalité et Assolvé, qui viendra vous présenter de façon plus détaillée cette dernière étape-là. Donc en fait, Ce que vous voyez samedi, c'est plus les premières étapes, comment on va construire un questionnaire. Ce que vous verrez lundi, c'est comment on exploite les résultats d'un questionnaire pour, après ça, justifier qu'on a trouvé des résultats qui sont pertinents, etc., dans un projet de recherche. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un questionnaire, donc, par rapport à l'entretien, c'est un outil qui est plutôt quantitatif. Donc l'entretien, vous rappelez, on est dans le qualitatif, on a des objectifs de compréhension, d'exploration, etc., d'un sujet. Ici, avec le questionnaire, on vise à mesurer des choses et on vise à vérifier, donc à confirmer ou à affirmer des hypothèses. Donc on est aussi, donc on vise à mesurer, donc on est un peu dans la quantité, dans le fait de chiffrer des choses, de les quantifier, mais ce qu'on veut aussi, c'est essayer de toucher et de recueillir des données auprès d'un maximum de personnes. Alors que l'entretien, si vous vous rappelez, l'objectif, c'est pas tant le nombre de personnes qu'on va interviewer, mais plutôt la pertinence des gens qu'on va rencontrer par rapport à nos questions. Donc le questionnaire, c'est vraiment une volonté de couvrir un maximum de personnes possible, alors que donc dans la situation de dans la situation d'entretien, on est plutôt sur une sélection pointue des gens qu'on va aller interviewer. Donc dans le questionnaire, il y a cette préparation très rigide, très structurée des questions qu'on va poser et qui vont donc être les mêmes pour tous les interviewés qu'on va rencontrer. Donc ce que le questionnaire va permettre, c'est de travailler à plus grande échelle qu'un outil comme l'entretien. Généralement aussi, c'est un gain de temps parce que, par exemple, si vous faites un sondage en ligne, donc vous créez un hyperlien, vous utilisez un logiciel, vous créez un hyperlien avec un sondage sur le degré de satisfaction, par exemple, de vos collègues, etc. À ce moment-là, vous envoyez un mail à tous et après ça, les personnes remplissent d'eux-mêmes. Donc c'est un gain de temps aussi, puisque vous n'avez pas nécessairement besoin d'être physiquement présent pour qu'il y ait une réponse de la part des personnes auxquelles vous êtes adressé. Contrairement là aussi, par exemple, à l'entretien dans lequel l'enquêteur, le chercheur, est directement impliqué à chaque fois qu'il doit avoir une interaction. Donc c'est aussi une technique qui permet d'épargner certains coûts de déplacement, également de frais comme les frais téléphoniques, etc. Ça permet aussi de limiter les effets qui sont liés à la présence de l'intervieweur et à la personnalité de l'intervieweur. Si vous vous rappelez, ça c'était une richesse même de l'entretien, qui en sorte que comme on est dans une interaction face à face avec quelqu'un, notre personnalité va jouer, la façon dont on va parler à la personne va jouer, et il va se créer en fait une relation de confiance au fur et à mesure avec la personne qu'on va interviewer. Ici en fait, l'intervieweur, à partir du moment où il donne son questionnaire, les interactions sont quasiment terminées. On va le voir, il y a des petites exceptions, mais c'est beaucoup plus limité en fait en termes d'influence. Et ça permet aussi, dans les avantages, de s'adapter au rythme et à l'emploi du temps du participant. Puisque par exemple, pour un sondage en ligne, la personne peut le remplir quand elle veut. On peut donner à la limite une date limite de mise à disponibilité du questionnaire. Mais à ce moment-là, la personne peut même enregistrer ses réponses, y revenir, etc. Ce qui n'est pas non plus le cas de l'entretien où on mène en fait l'exercice en continu. Ce que le questionnaire ne permet pas, donc ce que vous devez retenir aussi les techniques, c'est que donc elles sont plus ou moins adaptées à vos besoins en fonction de vos objectifs. Ce que le questionnaire donc ne permet pas, c'est tout ce qui faisait aussi la richesse de l'entretien, par exemple les reformulations, les relances, donc tout ce qui est initiative de la part du chercheur pour mieux comprendre, pour faire développer des idées, par exemple, à l'interviewé. Dans le questionnaire, vous devez avoir anticipé au maximum les réponses des personnes qui répondent pour justement faire en sorte qu'il y ait une sous-question qui permet de détailler ou qu'il y ait une question ouverte. Mais vous n'avez plus en fait de pouvoir de compléter ce qui est répondu. Donc, vous ne pouvez pas vous assurer que les questions ont été correctement comprises. Alors que dans l'entretien, si vous voyez, vous posez une question, vous voyez que la personne a fronce les sourcils, tout de suite, vous pouvez demander « Avez-vous bien compris l'objectif de ma question ?» ou « Quand je vous pose cette question, vous comprenez quoi ?» Dans le questionnaire, là encore, on est dans quelque chose de préformaté, qu'on lit, qu'on donne. Donc, on n'a plus de contrôle non plus là-dessus pour ajuster ou mieux expliquer les choses. D'où l'importance de ce que je mentionnais auparavant, le pré-test, où justement, on va s'assurer que les mots qu'on a utilisés sont bien compris par tous de la même façon. Ou si ce n'est pas le cas, alors qu'on va donner, par exemple, des choix de réponses qui sont les plus complets possibles. Si on a oublié une catégorie, par exemple, je demande, êtes-vous résident de la région de Bruxelles-Capitale? Vous répondez oui. Dans quelle commune résidez-vous? Et si j'oublie une commune, par exemple, que j'ai fusionné deux communes dans ma liste, ben, de faire un pré-test, ça va vous permettre de réparer ces oublis-là ou de préciser vos idées. Donc, on ne peut pas non plus toujours savoir qui répond véritablement, surtout quand c'est en ligne. On ne peut pas approfondir ou compléter les informations en plus des questions posées, sauf si on a anticipé sur certaines questions, de poser des questions ouvertes pour compléter. Donc, qui vont être, par exemple, qu'on vous interroge sur votre degré de satisfaction par rapport au service offert par une compagnie, par une entreprise de téléphone, Proximus, par exemple. Et dans quelle mesure êtes-vous satisfait de nos services concernant les services mobiles, etc., etc. Là, vous répondez pas très satisfait, satisfait, plutôt pas satisfait, etc. Et là arrive une case de si vous avez coché telle case, expliquez pourquoi ou développez, etc. Ça, ce sont des questions ouvertes qui sont la seule possibilité d'intervention en fait et qu'il faut avoir donc anticipé. Puisque, en l'occurrence, s'il y a une enquête sur un degré de satisfaction, c'est en vue peut-être de corriger des choses ou d'ajuster. Donc, ça veut dire que dans les objectifs de recherche, on aura intérêt à s'assurer qu'il y a ce type de réponse qu'on obtient. Et on ne peut pas non plus toujours être sûr qu'on va avoir un taux de réponse élevé. Contrairement à la différence de l'entretien, où on est en face à face avec la personne et où on a obtenu son accord pour participer, à partir du moment où on commence l'entretien, en général, on obtient des réponses à nos questions. Quand... ça va ? D'accord. Quand, par contre, on diffuse un sondage, à ce moment-là, on ne peut pas savoir s'il y aura 100% des personnes qui ont reçu le lien qui vont aller le compléter ou pas. Mais par contre, en fait, l'objectif d'un questionnaire, c'est de diffuser au maximum pour essayer d'avoir un pourcentage de répondants le plus gros possible. Donc comme ça coûte moins cher, en général, on essaye de ratisser le plus large possible. Donc, c'est une démarche quantitative qui vise donc à mesurer souvent des opinions ou des tendances dans la population et qui vise aussi à vérifier des hypothèses. Vous vous rappelez que dans l'une des séances qui avait été donnée par Marc Van Ulbeck, il avait justement exposé les spécificités d'une hypothèse et que ce qu'il avait notamment souligné grâce à l'exemple d'un oiseau qui est devenu Maurice, dont j'ai oublié le nom. Dodo, voilà, merci. Il avait justement souligné la différence entre une hypothèse qui est une hypothèse correcte de recherche, qui est donc une hypothèse qui est vérifiable, et une hypothèse concernée le dodo, et une hypothèse concernée E.T., je crois. Et là, on n'était plus dans l'ordre du vérifiable. En fait, ici, donc, l'importance quand vous faites un questionnaire, c'est qu'il faut que vous posiez des questions de façon à ce que vous puissiez mesurer les choses et de façon, comme on va le voir, à ce que vous ayez des indices, donc des indicateurs qui vous servent à quantifier les choses. Par exemple, ici, je vous ai mis deux types d'hypothèses. Une hypothèse, pas de type vérifiable, l'autre de type vérifiable. Dans la première hypothèse, donc les artistes de théâtre belges actuels sont plus heureux qu'avant. C'est une hypothèse qui n'est pas vérifiable. D'après vous, pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment parce que c'est aussi, ça relève aussi d'une question philosophique. Et après, est-ce qu'on ne peut pas aussi, on ne peut pas récolter forcément les recherches des articles qui ont été d'avant. Donc on peut pas, il y a une partie d'information qu'on ne peut pas récolter. Et par rapport, qu'est-ce que c'est être heureux quoi, bon, voilà, les questions, qu'est-ce que c'est qu'être heureux aussi. C'est une question ou un concept qui est très large. Et vous remarquez aussi que le avant, il est extrêmement flou. Qu'avant quoi? Qu'avant, à partir de quand? Avant, est-ce que c'est l'an dernier? Est-ce que c'est il y a 10 ans? Il y a 50 ans, etc. Donc d'une part, on n'a pas accès nécessairement à de l'information qui nous permet de comparer. Et d'autre part, dans la façon dont est formulée l'hypothèse, en fait, il manque d'éléments de précision pour pouvoir aller mesurer les choses. Deuxième type d'hypothèse qui, lui, serait vérifiable, c'est encore sur les artistes de théâtre belge. Les artistes de théâtre belge actuels se regroupent en collectif par nécessité financière. Alors, pour vous, d'après vous, en fait, qu'est-ce qui rend, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir vérifier, mesurer dans cette hypothèse-là? Si c'est un groupe en collectif. De 1, oui, dans le temps collectif, la raison financière. Et justement, donc les raisons financières, donc les motivations en fait, qui mènent à ce regroupement en collectif. Et ça veut dire que donc on est dans une unité de temps, et qu'on va chercher maintenant, et qu'on va aller chercher les motivations de certaines personnes pour faire certaines choses. Justement, ce lien d'influence entre deux éléments, qui était ici le regroupement collectif et le besoin financier, c'est ce qu'on appelle un lien entre des variables. Donc, quand donc ici, je plante un peu le tableau du vocabulaire lié au questionnaire, on va parler donc d'hypothèse et on va parler de variables. On va faire la distinction entre ce qu'on appelle des variables dépendantes et des variables indépendantes. Donc, les variables, ce sont des éléments qui sont liés entre eux par un rapport d'influence ou parfois aussi par un rapport de cause à effet. Ici, je vous ai mis un exemple, si j'écoute de la musique pendant mon jogging, alors je cours plus vite que si je n'en écoute pas. Donc, qui est une forme de formulation d'hypothèse, dans le sens où en fait on peut formuler des hypothèses avec ce « si il se passe quelque chose » ou « si je fais telle chose, alors il se passe telle autre chose ». C'est une formulation un peu classique d'une hypothèse. Ici, vous avez une variable indépendante et une variable dépendante. La variable qu'on appelle indépendante, c'est ce qui va influencer, donc ce qui est le facteur de variation. Ici, en l'occurrence, c'est écouter ou pas de la musique. Donc le fait d'écouter ou pas de la musique va faire en sorte que je vais courir plus vite, ou moins vite. Donc le fait d'écouter ou pas de la musique va avoir de l'influence sur la vitesse en fait, à laquelle je cours. Donc la vitesse à laquelle je cours, c'est ce qu'on va appeler la variable dépendante, c'est-à-dire ce qui varie, ce qui est influencé par la variable indépendante. Et cette variable dépendante, donc la vitesse à laquelle je cours, on va la mesurer. Ici, en l'occurrence, on va la mesurer en km/h. Si on revient à l'exemple d'hypothèse précédente, donc les artistes de théâtre belge actuels se regroupent en collectif par nécessité financière. Et que vous devriez trouver, vous deviez trouver dans cet exemple d'hypothèse la variable dépendante et la variable indépendante. D'après vous, quels éléments seraient de type variable dépendante, c'est-à-dire ce qui est influencé, et quel élément est la variable indépendante, c'est-à-dire le facteur de variation, ce qui influence. La variable indépendante, le fait de se retrouver pas en collectif. Collectif et la variable dépendante, c'est l'aspect financier. Donc, d'après vous, c'est le fait ou pas de se regrouper en collectif, c'est la variable Indépendant. Indépendant. Il a influencé le fait ou non. Il a influencé le fait ou non d'avoir besoin d'argent. C'est la même. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention quand vous rédigez des hypothèses, aussi par rapport à vos objectifs de recherche, d'essayer de les formuler de différentes façons. En fait, la clé, c'est de voir qu'est-ce qui a une influence sur quoi. Qu'est-ce qui a une influence sur quoi. Et en fait, c'est ce lien de cause à effet qui va vous donner donc la définition de variable dépendante, variable indépendante, et qui fait en sorte que vous allez mesurer, mettre l'accent d'une certaine façon dans votre questionnaire sur cette variable-là. Oui. Comment est-ce qu'on sait que c'est une cause à effet, pas une corrélation? Ben ça, en fait, justement, c'est à mesurer. Donc, à ce stade-là, on n'en est pas sûr. D'accord. C'est votre analyse de données quantitatives qui va vous permettre de voir jusqu'où vous pouvez généraliser et quel type de lien vous pouvez établir entre les deux en fonction de différents tests statistiques. Mais effectivement, les données qu'on va recueillir, par exemple, à propos de cette hypothèse-là, par questionnaire, je trouve que tout le monde est en train de vraiment se poser la tête pour savoir comment rédiger des questions. Les données que vous allez récolter, elles vont être utilisables ou exploitables selon différents tests statistiques qui vous seront présentés plus précisément la semaine prochaine. Mais en fonction des tests que vous allez faire, les mêmes données ne vont pas vous permettre d'avoir les mêmes résultats ou certains résultats ne seront pas vérifiés. Donc vous pourrez savoir, par exemple, qu'il y a un certain lien, mais que ce n'est pas forcément la nécessité financière qui est le facteur le plus fort qui influence le regroupement relatif. Donc ce sera peut-être autre chose, ce sera peut-être des motivations politiques, ce sera peut-être d'autres éléments du contexte, les réglementations dans certaines régions, etc., etc. Donc ce travail d'identification des variables, il va aussi vous servir à déterminer ce que l'on appelle des indicateurs. En gros, les indicateurs, ce sont les éléments sur lesquels vous allez poser des questions précises et directes dans votre questionnaire. Donc ça aussi, le terme indicateur, le terme variable, le terme hypothèse, ça fait vraiment partie du bagage de vocabulaire quantitatif qui est lié au questionnaire. Donc si on reprend en fait les exemples qu'on a vus auparavant, donc un indicateur c'est un indice ou c'est un signe qui atteste l'existence d'une variable. En fait, en gros, c'est un acte ou un thème, quelque chose de un fait concret qu'on peut relier à une variable. Par exemple, si on reprend l'exemple de si j'écoute de la musique, alors je cours plus vite que si je n'en écoute pas. J'avais donc une variable, vous rappelez, indépendante, qui est le fait d'écouter de la musique ou pas. Et après, ma variable dépendante, qui était la vitesse de ma course, qui en fait changeait selon que j'écoute ou pas de la musique. Des indicateurs de l'écoute ou non de la musique, ça va être, par exemple, que vous allez poser des questions sur le fait que la personne utilise un iPhone dans lequel cours. Quel type de musique, vous allez poser des questions pour savoir quel type de musique elle écoute pendant quel cours, est-ce qu'elle mentionne, est-ce qu'elle court plutôt en écoutant du rap, du hip-hop, de la musique classique, etc. Quel dernier album elle a écouté en courant. Bref, vous allez poser des questions qui vont vous permettre de vérifier si la personne elle écoute de la musique quand elle court ou pas. Et ces questions-là, vous allez les poser sous différentes formes. L'une des spécificités du questionnaire, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est que donc, l'intervieweur, le chercheur, il n'est pas là. Donc à partir du moment où votre questionnaire vous part, vous n'avez plus de contrôle dessus, vous ne pouvez plus l'ajuster. Donc vous devez être sûr que la personne va répondre de bonne foi, elle va vraiment comprendre vos questions pour vous donner une réponse précise à la question que vous posez. Ici la question c'est, est-ce que la personne qui répond écoute ou pas de la musique quand elle court. Pour le savoir, vous pouvez lui poser la question concrète, est-ce que vous écoutez de la musique quand vous courez? Avec une réponse de type oui et non. Problème, c'est est-ce que j'en écoute tout le temps? Est-ce que j'en écoute de temps en temps? Comment j'en écoute? Donc, en fait, cette question qui paraît simple, déjà, en fait, elle n'est pas forcément claire pour la personne qui va répondre. Donc, en fait, avoir plusieurs façons de poser la question, dire par exemple la dernière fois que vous avez couru, quel est l'album de musique que vous allez écouter. Et là, vous proposez plusieurs titres, quel est le type de l'album de musique que vous allez écouter. Vous proposez plusieurs types de musique et une réponse qui est « je n'ai pas écouté de musique ». Ensuite, vous posez une deuxième question. Dans le mois qui vient de s'écouler, combien de fois avez-vous écouté de la musique pendant que vous couriez? Et vous donnez des ordres de réponse. Entre 0 à 5 fois, 5 à 10 fois, toutes les fois que j'ai couru. Et en fait, en croisant les différentes questions qui concernent ce fait d'écouter la musique en courant, vous allez être sûr que la personne l'écoute bien régulièrement ou pas. Même chose sur la vitesse de la course, on va pouvoir mesurer par exemple en disant à combien courez-vous généralement ou en combien de temps parcourez-vous la distance entre par exemple je sais pas, le bâtiment H du campus Solbosch et la sortie du bois de la Cambre côté avenue. Je ne sais plus quoi parce que j'ai oublié le nom de l'avenue de l'autre côté. Mais vous allez en fait poser, ce sont deux façons différentes de poser la question. L'une qui fait appel à une réponse chiffrée, l'autre qui fait appel à une estimation de temps. Mais en fait, ça vous amène à avoir des éléments de réponse sur la même question pour vous. Dans le deuxième cas qu'on avait vu, donc sur les artistes de théâtre belge qui se regroupent en collectif et avec l'hypothèse qu'ils ne font pas à cause de difficultés financières, là, ici le défi ça va être de voir comment se manifeste ce qu'on appelait nécessité financière dans l'hypothèse. Donc, est-ce que c'est que la personne est endettée? Est-ce qu'elle a contracté un prêt? Est-ce qu'on lui a refusé des subventions? Est-ce que, par exemple, elle a dû abandonner un projet ou est-ce qu'elle a refusé une opportunité de projet ou est-ce qu'elle s'est désengagée d'un projet parce qu'elle manquait de ressources financières? Ce sont différentes questions qui, là aussi, sont en lien avec le thème nécessité financière, mais qui l'illustrent différemment. Ce sont des indicateurs différents. De la même façon, ce qu'on appelle regroupement en collectif, ça peut prendre différentes définitions vont être compris un peu différemment par les répondants pour vérifier si les personnes qui répondent se sont ou pas regroupées en collectif. Vous pouvez aussi prendre plusieurs indicateurs qui sont est-ce que le collectif ou ce qu'ils appellent collectif dont il fait partie a un statut social, est-ce qu'il y a un nom qui a été déposé, est-ce qu'il y a un organigramme, est-ce qu'il y a une espèce de président ou directeur ou de personne en tout cas qui s'occupe par exemple du budget, quelqu'un d'autre qui s'occupe de la promotion, quelqu'un qui s'occupe plus de la scénographie ou je ne sais quoi. Quels sont les partenariats aussi qui ont été établis? Bref, en fait, ces différentes questions qui là encore vous permettent d'avoir des indices concrets du fait qu'il y a bien eu un regroupement collectif auquel participe la personne que vous interviewez. Et quand je dis ici, vous interviewez, c'est vous interviewez en fait avec le questionnaire, c'est-à-dire qui a reçu votre questionnaire, vous l'interviewez pas en face à face. Comme je vous le disais au départ, l'un des objectifs et l'un des intérêts en fait de ce que l'on appelle le questionnaire de recherche, c'est d'essayer de travailler sur des populations qui sont larges, donc des groupes de personnes les plus larges possibles pour en fait essayer de mesurer donc quelle est la véracité, la validité d'un phénomène ou d'une hypothèse que l'on a formulée. Donc vous devez déterminer, donc travailler avec un questionnaire, un échantillon de population que vous allez viser. Puisque, de façon générale, vous ne pouvez pas viser l'humanité entière. Et donc, en fait, vous allez définir ce que l'on appelle la population d'enquête ou encore l'univers de l'enquête. Cette notion-là, population d'enquête, univers de l'enquête, en gros, elle désigne le type de personne que vous souhaitez avoir comme répondant. Par exemple, dans le cas précédent, vous voulez plutôt avoir, dans le cas du jogging, vous voulez plutôt avoir des gens qui courent. a priori, puisque sinon, en fait, ils ne seront pas capables de répondre au type de questions que vous posez. Dans le cas des artistes de théâtre belge, vous voulez avoir des artistes de théâtre belge, au départ, pour répondre à vos questions sur le regroupement collectif ou pas, et sur les motivations d'ordre financier ou pas. Donc vous allez, en fait, déjà cibler une population particulière à laquelle s'adresse votre questionnaire. Donc là, on est en fait dans le principe de l'échantillonnage pour le questionnaire. On est dans une préoccupation qui est une préoccupation de représentativité. Il faut que votre échantillon soit représentatif de quelque chose. Quand on était dans l'entretien, on était dans une préoccupation qui était plus qu'il fallait que ce soit significatif. Ce sont sur le plan du vocabulaire, à côté. Sur le plan du vocabulaire, c'est vraiment deux façons de parler différentes. Quand on est dans le qualitatif, on parle de données, de personnes qui sont significatives pour votre recherche, c'est-à-dire pertinentes pour votre recherche. Quand on est dans le quantitatif, on est dans le représentatif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une quantité suffisamment forte pour représenter une population plus grande. Par exemple, la représentativité, ça a l'air d'être vraiment source de joie. Par exemple, donc, vous voulez mener un sondage auprès de la population bruxelloise. Et vous dites, bon ben voilà, la population bruxelloise a telle ou telle attitude ou telle habitude. Ce que vous entendez par population bruxelloise, il faut que ce soit, bon, par exemple, est-ce que c'est sur le territoire de Bruxelles-Capitale ? Est-ce que c'est toutes les communes ? Et si oui, ça veut dire que dans les personnes qui vont répondre à votre questionnaire, il faut qu'il y ait des représentants proportionnels, en fait, il faut qu'il y ait un nombre de représentants de chaque groupe qui compose la population de Bruxelles. Si par exemple, à Bruxelles, vous avez des éléments statistiques qui montre qu'il y a 26% de la population qui a moins de 25 ans. Alors, dans l'échantillonnage de vos répondants, il faut qu'il y ait 26% de répondants qui aient moins de 25 ans. Si vous avez tant de pourcentage de la population qui habite dans tel quartier, il faut que votre questionnaire, pour être représentatif, comporte tant de pourcentage de personnes qui ont répondu sur 100. Donc, il y en a eu 36, par exemple, qui habitaient dans telle commune plutôt que telle. Donc, en fait, il faut que vous cherchiez d'abord à vous renseigner sur la réalité de la population que vous allez étudier de façon large pour pouvoir, en fait, avoir un échantillon, c'est-à-dire un groupe représentatif de la population dans son ensemble pour votre enquête. Donc si, par exemple, vous faisiez votre enquête auprès des artistes de théâtre belge, vous allez essayer de chercher des chiffres auprès du ministère ou auprès d'une institution en fait, qui va avoir dénombré le nombre de personnes inscrites dans les associations artistiques, etc., ou auprès d'institutions du théâtre. Et à ce moment-là, vous allez chercher à interroger un nombre avec les mêmes caractéristiques que ces gens-là, un nombre de personnes avec les mêmes caractéristiques que ces gens-là dans votre population. Donc, vous avez plusieurs stratégies d'échantillonnage qui existent et sur lesquelles on reviendra notamment la semaine prochaine à travers les outils statistiques qui vous seront présentés. L'objectif donc de l'échantillon, de l'échantillonnage, ça va être de déterminer combien de personnes doivent répondre au questionnaire pour que celui-ci s'avalide. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons d'administrer un questionnaire, c'est-à-dire de le diffuser, de le faire passer pour qu'il soit rempli. L'objectif, et que ce que vous allez expérimenter aussi samedi comme question, c'est quelle est la manière la plus adaptée de faire passer mon questionnaire. Est-ce que je vais faire un sondage dans la rue ? Ou est-ce que je l'envoie en ligne ? Ici, vous avez dans ces dernières diapositives qui sont en ligne et que vous allez avoir donc à lire pour samedi, vous avez les spécificités de type de questions que l'on doit poser dans les questionnaires. C'est-à-dire notamment dans quel ordre on doit poser les questions et à partir d'exemples vous avez aussi comment on part d'un concept et comment on, petit à petit, en fait, on le découpe en différentes dimensions et en différents types de questions pour essayer de récolter l'information de la façon la plus large et complète possible, puisqu'une fois encore, donc on ne peut plus intervenir une fois que le questionnaire est diffusé. Donc ce que vous allez voir samedi, c'est entre autres comment à partir d'un sujet de recherche particulier qui vous a vous êtes donné pour l'exercice, on rédige, avec ces principes-là que vous devez donc lire avant samedi, on rédige un questionnaire ou on crée un questionnaire pour aller chercher des réponses précises auprès d'une population large. Donc, une fois encore, l'exercice de samedi, ça va vous amener à aller à voir toutes les étapes jusqu'à la construction du questionnaire. Lundi, on verra les étapes de interprétation, enfin récolte et analyse statistique des données. Pour ceux qui ont encore des questions concernant le rapport, vous pouvez venir me voir.